Comme déjà informé, le ministère des Forces armées populaires du Comité de la Défense nationale de la République populaire démocratique de Corée a envoyé le 21 courant une notification aux autorités militaires sud-coréennes pour demander un contact de travail en vue des pourparlers des autorités militaires nord-sud. C'était la proposition de notre armée décidée à assurer au plus tôt la paix et la sécurité durable dans la péninsule coréenne, selon la noble volonté de notre parti de résoudre par voie de dialogue et de négociation tous les problèmes posés, y compris une mesure réelle destinée à prévenir la tension militaire et le conflit entre le nord et le sud. Or, au lieu d'y répondre positivement, les autorités militaires sud-coréennes ont dénaturé les faits, comme si la tension de la péninsule coréenne s'aggrave à cause de la mesure autodéfensive de notre République, dont le renforcement des forces armées nucléaires. Voire, elles diffusent les absurdités selon lesquelles notre proposition de dialogue vise à affaiblir la coopération internationale dans les sanctions contre le Nord et à créer un désaccord au sein de la Corée du Sud. Ce faisant, par les propos provocateurs de la nécessité de la primauté de la dénucléarisation, elles refroidissent l'ardeur de toute la nation réclamant l'amélioration des rapports nord-sud par la réconciliation et l'union de la nation. Notre armée et notre peuple sont invariables dans leur volonté de régler les actuels rapports nord-sud catastrophiques par le dialogue et les négociations, non pas par la confrontation et le conflit militaire. Donc, le ministère des Forces armées populaires de la République populaire démocratique de Corée a envoyé de nouveau le 24 une autre notification du même contenu aux autorités militaires sud-coréennes. L'objectif des pourparlers des autorités militaires nord-sud que nous proposons n'est pas d'éclaircir ni l'ordre ni la responsabilité de la tension militaire créée dans la péninsule coréenne. Les pourparlers en question traduisent l'attente et la volonté de toute nation désireuse de voir la solution prompte des questions imminentes telles que le conflit militaire à la ligne de démarcation militaire et dans la région du Pancho de la mer de l'Ouest qui risque de produire un affrontement physique même maintenant. Si un conflit éclate entre les deux parties, il dégénérera inévitablement en une guerre et la nation coréenne en sera victime. Rien ne peut être un préalable ni prétexte pour refuser le dialogue et éviter les négociations, les meilleurs moyens de solution de tous les problèmes. Surtout en abusant de la question directement liée au sort de notre nation, dans le but politique absurde, on évite même la rencontre. C'est en fait une prétention qui ne peut persuader personne. Notre position est toujours invariable pour tenir un cocktail de travail en faveur des pourparlers précités fin de mai ou début de juin. Les autorités sud-coréennes sont tenues de répondre positivement et sans tarder à notre demande d'atténuer la tension militaire aiguë d'aujourd'hui entre le Nord et le Sud pour assurer la paix du pays et la sécurité de la nation.